batterie pourrie. Thank you. quoi les accords? De mesure là, c'est pas du tout ma tonalité de chant, c'est l'origine ça. Ça fait beaucoup, non? Ouais,

pas là. Il y en a un qui est pas sur la bonne route. Dire. Dans le chapeau des accords, tu mélanges. Thank you. ça y est, enfin, vous avez compris. Moi, c'est bien Mike, grâce à toi. Allez, je suis.